paix. Moi je fais le doom score, l'héréditaire, tuer le temps en attendant le tombstone. Ça sera mieux après, faut trouver le loophole qui nous montre le rythme si on marche tous faux. J'aimerais être intentionnel, je suis surinformé. Je me souviens plus de rien, on me fait un croche-pied. La lumière est bleue, les roses sont noires. C'est tellement beau que j'en oublie ma mémoire. Dessine-moi une place, soufflez dans mes voiles. Redonne-moi une face, je ferai l'étoile. Dessine-moi une place, soufflez dans mes voiles. Redonne-moi une face, je ferai l'étoile. État d'entraîner les rémanents, ressources aux presque effrayées. État d'alerte permanent, toujours prêt à dégainer. Mon téléphone ne vibre pas, mon brain est parano. Je n'arrive pas à disparaître, c'est à l'opposé de l'anneau. Je suis à la fois devant et derrière la vitrine. On a chosifié ma vie pour me vendre le free will. Je me magasine une âme en comparant les corps. Oh, combien de transactions avant d'unlock mon estime. On me montre des pubs, mais je n'ai pas choisi. Non, chacun.